Ne savent-ils pas que c'est Allah qui accueille le repentir de ses serviteurs et qui reçoit les sadakats, et qu'Allah est l'accueillant au repentir et le miséricordieux ?